En chinois, professeur se dit 老师老威护士de la victoire 师 pour se faire coucher pour 师老师 pour dire professeur. Alors, l'institutrice de cette école d'autrefois était bien trop autoritaire. Mais un jour, elle a entendu sa petite voix intérieure lui susurrer « Professeur, Lao, Shi, lâche un peu la bride. Tes élèves en tireront bien plus d'enseignement. » Alors, comment dites-vous, professeur ? Lao, Shi, Lao, Shi. Et bonjour, comment dites-vous bonjour ? Ni hao. Et comment répondez-vous ? Ni hao. Mon professeur est mon ami. Mon. Wo de. Professeur. Lao shi. Est. Shi. Mon. Wo de. Ami. Peng yo. Mon professeur est mon ami. Wo de lao shi. Shi wo de peng yo. Alors dites-moi, il n'est pas occupé maintenant. Il. Ta. Maintenant. Xian cai. Pas occupé. Bu meng. Il n'est pas occupé maintenant. Ta xian cai bu meng. Comment direz-vous je voudrais voir mon professeur maintenant parce qu'il est mon ami. Je. Wo. Maintenant. Xian cai. Vouloir, avoir envie de. Xian. Voir. Tien. Mon professeur. Wo de lao shi. Parce que. Yin. Oui. Il est. Ta shi. Mon ami. Wo de. Peng you. Comment dites-vous je? Wo. Attention, on dit wo. Wo. Comment dites-vous mon? Wo de. C'est ça. Wo de. Je voudrais voir mon professeur maintenant parce qu'il est mon ami. Wo xian zai xiang jian wo de. Lao shi, yin wei ta shi wo de peng you. Dites-moi, est-il ton ami? Il. Ta. Est. Shi. Ton. Ni de. Ami. Peng you. Le mot interrogatif. Ma. Est-il ton ami? Ta shi ni de peng you ma? Comment direz-vous c'est ton ami chinois ou il est ton ami chinois? Alors, il. Ta. Est. Shi. Ton. Ni de. Chine. Zhong. Guo. Ami. Peng you. C'est ton ami chinois. Ta shi ni de zhongguo peng you. Il n'est pas trop occupé pour te voir maintenant. Il n'est pas trop occupé maintenant. Il peut te voir maintenant. Littéralement, voir toi. Alors commençons par il. Ta. Maintenant. 现在。 Pas trop. Donc le trampoline. 不太。 Occupé. 忙。 Il. 他。 Maintenant. 现在。 Peu. Non. Voir, rencontrer. 见。 Toi ou tu. 你。 Comment dites-vous occupé? 忙。 Oui, 忙。 Hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Comment dites-vous occupé? 忙。 Il n'est pas trop occupé maintenant. Il peut te voir maintenant. 他现在不太忙。他现在能见你。 Alors comment direz-vous « je voudrais la voir également » ou « aussi » en sachant que « la voir » se traduit en chinois « voir elle ». Commencez par dire « je ». Wo. Aussi ou également. Ye. Vouloir, avoir envie de. Xiang. Voir, rencontrer. Jian. Elle. Ta. Je voudrais la voir aussi. Wo ye xiang jian ta. Traduisez maintenant la question. Pourquoi ne pouvons-nous pas voir ton professeur maintenant? Dites d'abord pourquoi. 为什么 nous 我们 maintenant 现在 ne pas pouvoir 不能 voir, rencontrer 见 ton 你的 professeur 老师 Pourquoi ne pouvons-nous pas voir ton professeur maintenant? 为什么我们现在不能见你的老师